Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis. Nous allons continuer ensemble l'étude du chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, c'est toi qui as tout fait pour qu'on puisse t'appeler Père. C'est toi qui as tout accompli pour qu'on puisse dire au monde entier: nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est toi qui as tout accompli pour qu'on puisse se dire: nous avons été pardonnés. Nous avons été rachetés. Nous avons été régénérés. C'est tout toi qui as accompli pour qu'on puisse dire: nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Christ habite dans nos cœurs. Quel privilège! Quel privilège! Être le temple de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons étudier quelques versets encore et nous voulons comprendre les vérités que toi, tu veux nous dire par la bouche de Paul. Parce que c'est toi qui nous parle à nous. Individuellement et à chaque église, tu nous dis, toi, des vérités. Donc, conduis-nous par ton Esprit Saint, au nom du Seigneur Jésus. Amen. On se souvient, Paul aide les croyants à faire face aux faux docteurs, faux apôtres, qui dénigrent Paul, qui l'attaquent sous différents plans. Et un des plans qu'ils l'ont attaqué, c'est l'argent de vie que Paul faisait. Cette vie misérable, de souffrance, de difficulté, de prison, de nudité, il l'attaque là-dessus. Il va y revenir un peu plus loin. Et Paul répond: oui, je pourrais mourir, j'accepte la mort, mais j'ai un corps nouveau. Ils l'ont attaqué par rapport à sa première lettre, l'épître aux Corinthiens. Il leur dit: ce n'est pas parce que je vous aimais pas que je vous ai fait cela. Au contraire, c'était pour vous montrer mon extrême amour pour vous. Et l'apôtre Paul, on a vu dans les derniers chapitres, leur montre à quoi lui travaillait. Il travaillait à la gloire de Dieu. Il dit: j'ai été réconcilié avec Dieu. C'est lui qui m'a réconcilié par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Il m'a réconcilié avec lui. Et maintenant, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui est ressuscité et qui est mort pour moi. Et il m'a confié la réconciliation ou le ministère de la réconciliation. Donc, comme on a vu hier, je travaille avec Dieu dans ce ministère-là. Et on a vu hier, nous vous en supplions, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, ne changez pas le but de l'Évangile qui est de réconcilier le monde avec Dieu pour qu'ils deviennent des adorateurs et des serviteurs de Dieu, maintenant et pour l'éternité. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Dans le ciel, nous allons continuer à être des serviteurs de Dieu. Comme les anges qui sont dans le ciel aujourd'hui sont des serviteurs de Dieu. C'est notre place. C'est notre raison d'avoir été créés. Servir et adorer Dieu. Et ça va continuer pour l'éternité. Ce matin, Paul continue en disant au verset 3, que nous allons lire sur le bien seulement que cela. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. On va s'arrêter juste à un verset ce matin. Si vous lisez le Nouveau Testament, il y a une chose qui va vous frapper et qui va peut-être vous venir à l'esprit avec le verset 3. Paul dit, nous ne voulons scandaliser personne. Mais quand nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus a été un scandale. À plusieurs reprises, si vous prenez une concordance et vous cherchez scandale dans les évangiles, vous allez voir que les paroles de Jésus, l'enseignement de Jésus, a été souvent un scandale pour le peuple d'Israël. Et vous allez lire des phrases comme « Et ces paroles ont scandalisé les pharisiens. » Et ça va venir à plusieurs reprises. Et vous allez voir que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 23, il dit que l'Évangile est un scandale pour les Juifs. Donc l'Évangile, on parle du contenu ici. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2,7, dit que Christ est une pierre de scandale ou un rocher de scandale. La Bible nous dit à plusieurs reprises que la vérité, que l'Évangile prêché va être un scandale pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je dirais la majorité des gens. Mais ça, c'est OK. Ça, on ne change pas ça. Ça, on ne diminue pas ça. On ne transforme pas l'Évangile pour qu'elle devienne acceptable pour le monde dans lequel on vit. Et c'est ça que je crois qui était le danger avec les faux apôtres. Ils voulaient changer l'Évangile. Et tout au long des épîtres, je me répète, je le sais, les problèmes dans les épîtres ne sont pas premièrement moraux, mais doctrinal. Les apôtres, dans les épîtres, se battent pour garder la vérité telle que reçue, une fois pour toutes, selon les paroles de l'épître de Jude. Laissons l'Évangile être un scandale. Laissons Jésus-Christ être un scandale quand c'est lui qui est la cause du scandale. Quand la vérité est la cause du scandale, fantastique, acceptable. Ne changeons pas la vérité. Ne diminuons pas la vérité. Ne diluons pas la vérité pour que celle plus acceptable. Attention de ne pas prendre l'évangile et d'en faire un évangile anthropocentrique, prendre l'évangile et dire, Dieu vous aime tellement qu'il a donné son fils pour vous et il veut que vous ayez une vie prospère et pleine de santé et que vous allez au ciel quand vous allez mourir. Il vous aime tellement. Il est là pour vous. Il va vous aider dans toutes vos difficultés. Attention, ne changeons pas la vérité pour la rendre accessible ou acceptable à l'égocentrisme de l'être humain ou à la chair de l'être humain. Donc, Paul, il dit, nous voulons pas, lui, être un scandale. Nous voulons pas être un scandale à personne. Moi, être un scandale, ça, c'est pas acceptable. C'est là que je crois que Paul intervient en partie ici. Nous voulons pas être un scandale en quoi que ce soit. Le mot scandaliser veut dire faire tomber. C'est de piéger. C'est d'être c'est souvent un appât pour attirer l'animal dans un piège et l'attraper. Être un scandale, une pierre d'achoppement. Ou c'est de mettre un objet dans le chemin de quelqu'un afin de le faire trébucher. Paul dit, nous voulons pas être un scandale pour personne. Nous ne voulons pas faire tomber les gens. Mais dans quel domaine ne veut-il pas être un scandale? Il dit, je ne veux pas être un scandale en quoi que ce soit. Donc, c'est assez large. Hein? Et je ne veux pas être un scandale en quoi que ce soit. Ici, souvent, on a rétréci ce champ-là en pensant que Paul parle ici du péché dans la vie des croyants. C'est sûr qu'un péché que je fais dans l'Église peut être un scandale pour les frères et sœurs. Un péché que je fais dans ma vie peut être un scandale à mon épouse ou à mes enfants. C'est vrai. Mais je crois que c'est plus précis que ça ici, puis en même temps plus large que ça. Il dit, je ne veux pas empêcher les gens de croire en l'Évangile. C'est ça que le but, c'est. Je ne veux pas empêcher les gens de croire en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je ne veux pas empêcher les gens de se tourner vers Dieu pour être conciliés. Je ne veux pas être un scandale dans ce sens-là. Est-ce que les inconvertis s'attendent à ce que nous, les chrétiens, on ne pêche jamais? Est-ce que les inconvertis s'attendent à ça? Que nous, les croyants, on est des saintes personnes qui ne pécheront presque jamais, qui ne feront jamais de tort à personne? S'ils croient ça, c'est bien triste, mais ce n'est pas la réalité. Est-ce que c'est nous qui leur laissons penser ça? Est-ce que c'est nous qui leur disons ça? On ne devrait pas. Parce que les chrétiens pêchent encore. Ou des fois, c'est à cause de leur arrière-plan religieux. Ils pensent, eux autres, qu'on pratique une religion et que dans leur tête, un religieux mais fait moins de péché qu'un non-religieux. Ça peut être ça qui peut être pour eux autres un problème. Mais si on prêche l'Évangile et qu'on prêche un Dieu de pardon, et qu'on leur parle que nous, on est des faibles, encore pécheurs, et qu'on se réfugie dans la grâce de Dieu, ils ne seront pas scandalisés s'ils nous voient vivre un péché. Ils vont peut-être être scandalisés si on veut justifier notre péché, si on veut leur dire qu'on n'est pas pécheurs, mais qu'ils viennent et qu'ils voient qu'on est des pécheurs. Ça se peut. Mais là, on a menti, parce que l'Église est un endroit où il y a encore des pécheurs qui vivent sous la grâce de Dieu. Donc, on sent un scandale en leur disant qu'on ne fait pas de péché et qu'ils voient des péchés. Mais si on leur dit qu'on est des pécheurs justifiés par la grâce de Dieu et que nous espérons, nous anticipons le moment où on ne péchera plus dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, on ne sera pas un scandale pour eux. Il dit, je ne veux pas être un scandale envers qui que ce soit. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Voyez-vous la raison? Je ne veux pas être un scandale afin que le ministère de quoi? Le ministère qui lui a été donné, au verset un peu plus haut, le ministère de la réconciliation, ne soit un sujet de blâme. Qu'on nous blâme au sujet du ministère. Donc, il dit, en ce qui concerne le ministère qui m'a été confié, de travailler avec Dieu à la réconciliation du monde avec lui-même. Je ne veux pas leur donner des occasions de blâme, de blâmer, de faire des reproches. On va voir ça dans un domaine précis au chapitre 8 et 9, quand il va parler au sujet de blâme par rapport aux offrandes ou aux collectes de grosses sommes d'argent pour les pauvres. Paul dit, j'ai fait des choses afin que ce ne soit pas un sujet de blâme. Donc, on pouvait le blâmer. Donc, il dit, je fais tout en mon pouvoir afin de ne pas scandaliser personne en quoi que ce soit, afin qu'on ne blâme pas le ministère. C'est quoi que ça va rejoindre? Ce que Paul a dit, je pense, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 22, il dit, « Je me suis fait tout à tous, afin de ne pas scandaliser. » Donc, Paul s'est adapté afin de ne pas empêcher l'Évangile d'être prêché et qu'il lui soit pas un obstacle à la prédication et à la réception de la proclamation de l'Évangile. Donc, il dit, avec les Juifs, je me suis fait juif, avec les non-Juifs, je me suis fait non-Juif, avec les païens, j'ai agi comme un païen. Je parle pas qu'il était en train de dire, avec les pécheurs, j'ai péché. C'est pas ça qu'il était en train de dire. Il dit, j'ai adapté mon approche, ma manière, mon comment d'apporter l'Évangile afin de ne pas être un scandale ou un sujet de blâme pour personne. J'ai pas changé l'Évangile. J'ai continué à prêcher l'Évangile tel que reçu de Jésus-Christ. Et j'ai souffert pour, j'étais en prison pour ça. J'ai été rejeté pour ça. Mais j'ai pas changé la vérité. Mais j'ai adapté mon comment j'ai emmené l'Évangile avec qui j'étais. Homme, femme, jeune, vieux, juif, non-juif, j'ai adapté cela. Et j'ai fait toutes sortes de choses pour ne pas être un sujet de blâme en quoi que ce soit. Je veux pas qu'on blâme le ministère en quoi que ce soit. Donc, quand les gens vont de l'extérieur vont regarder, ou les faux prophètes ou les faux docteurs ne trouveront pas chez moi un sujet de blâme. Regardez comment qu'il est. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Regardez-le, lui qui est en prison. Et Paul dit, je fais tout dans mon pouvoir pour ne pas être un sujet de scandale en quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Et mon but, ce n'est que l'Évangile ne soit pas diffamé. Je ne crois pas que Paul s'adresse ici, qu'il dit, je vais essayer de ne pas faire des péchés afin que l'Évangile ne soit pas blâmé. Je crois que Paul désirait une vie sainte, si je peux dire de même, désirait une vie en harmonie avec Dieu, parce qu'il était chrétien, pas parce qu'il pensait aux inconvertis. Il aimait Dieu, et cette nouvelle vie qui est en lui, ce nouveau corps, cette nouvelle intelligence, ce nouveau lui qui a été régénéré par la puissance du Saint-Esprit, veut s'éloigner du mal. Il ne fait pas ça pour que l'Évangile soit reçu, il fait ça parce que c'est sa nature maintenant. Donc, je crois qu'il parle ici plutôt de la façon qu'il fonctionne. J'enlève, autant que possible, autant qu'en dépende de moi, toute occasion que l'Évangile devienne un sujet de blâme. Donc, c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous ne voulons pas être un scandale. Je me souviens des fois que l'Évangile a été rejeté à cause de moi parce que je m'étais mal pris. Mauvais endroit, mauvaise place, de mauvaise manière, au mauvais moment. C'est pas l'Évangile. Souvent, j'avais même pas eu le temps d'emmener l'Évangile. Mais on me rejetait avant. Donc, adaptons-nous à notre 21e siècle. Oui, oui, oui. Mais ne changeons pas la vérité. Il ne faut pas adapter l'Évangile à la société. Il faut que la société s'adapte à l'Évangile. Mais nous, on va s'adapter au monde dans lequel on vit pour emmener l'Évangile, afin de ne pas être un sujet de blâme inutilement. Notre bon Père du ciel, Aide-nous à ne pas être un scandale en quoi que ce soit, afin que ton nom, ton évangile, le ministère que tu nous as confié de réconcilier le monde avec toi, ne soit pas blâmé. Ne soit pas blâmé. Donc, donne-nous beaucoup de sagesse, de discernement. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'approcher les gens avec compassion, miséricorde. N'essayons pas de convaincre qu'on est meilleur qu'eux, mais qu'on soit humble dans notre approche. Qu'ils perçoivent que nous sommes des graciés et non pas des super spirituels qui font jamais de péché. Au nom de Jésus. Amen.